Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler avec notre ami Joe Hardy. Joe, qui fait parler de lui pas mal par les gens. Comment ça? Il y a beaucoup de monde qui disent que tu es un anti-canadien. Salut, Joe. Ah, c'est pas un défaut, ça, là. Salut, ouais. Danny, ça va bien? Oui. Non. Je suis pas anti-canadien. Je suis anti ce qu'on nous dit. Là. Moi, le Canadien, comme tu sais, j'ai déjà une des premières Coupes Calder qui ont gagné. Je faisais partie de l'équipe. J'avais été échangé à Montréal. Là. J'ai rien contre le Canadien. Jusqu'à j'en ai, c'est toute la BS qu'on nous fait à croire. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. Ben oui. Hey Joe, avant de parler du repêchage, parce que tu n'as un petit peu à dire contre ça aussi, Guy Carbonneau, au temps de la renommée, t'en penses quoi? Ben écoute, moi j'ai déjà donné mon opinion, même dans le temps que je faisais de la radio à plein temps, ouais. Que c'est le temps de la renommée de la Ligue nationale. Là, ça ressemble, pour moi, ça ressemble à un garage municipal. Là. T'sais, tout le monde va là, puis à un moment donné, moi, pour moi, le temps de la renommée, là, à l'âge que j'ai, exemple, là, c'est exemple Maurice Richard. Au moment où Maurice Richard a joué, là, il a fait des choses extraordinaires pour le hockey. Jean Béliveau, Gordie Howe, c'est Bobby Hull. Bobby Hull, quand la Ligue mondiale est arrivée, il a changé de ligue. Ça a quasiment fait partir la ligue. Les Terry Sawchuk, les Jacques Plante. Mais là, je peux pas tout avoir les joueurs, là. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, je voyais ça, c'est qui j'ai vu, donc, il est éligible aussi, là, Pat Verbeek. C'est Pat Verbeek qui est éligible au temps de la renommée. Oui, il y a 1000 points, là, mais tu sais, en même temps, là, faut arrêter, là. Parce que le temps de la renommée, exemple que j'ai pas nommé, Patrick Roy, tu sais, au moment où j'ai gardé les buts, Patrick Roy, c'était, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est deux coupes Stanley. C'est Martin Brodeur. Mais tu peux pas avoir tous les gardiens de but là. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, j'ai rien contre Carbonneau, là. Il a fait des belles choses. Ça a été un bon joueur défensif pour le Canadien. Mais as-tu inventé quelque chose qu'on connaît pas? Ce qu'on dit, c'est que c'était un joueur défensif. C'était tout qu'un joueur défensif, bon d'un. Ouais. Mais tu sais, bon d'un mise au jeu, un capitaine exceptionnel, et sûr. Mais moi, je vais te comparer parce que moi, je connais. Je suis plus à l'aise avec le baseball, le temps de la renommée, là. OK? Philippe Alou, je t'en ai parlé plusieurs fois. Philippe est au Dominicain, ce que Jackie Robinson est aux Afro-Américains. Ça, c'est sûr. Et Philippe Alou n'est pas au temps de la renommée. Parce que si tu prends ses chiffres, ses chiffres sont. Il n'y a pas assez de chiffres pour rentrer à Cooperstown. Moi, mes derniers, quand tu regardes ce qui se passe avec le baseball, tu sais, j'écoute souvent Sportsnet puis qui sont avec les Blue Jays. Tu sais, le baseball, là, c'est pas facile de rentrer au temple de la renommée. Oui, hein, mais à quelque part, c'est peut-être ça qui mérite. Un temple de la renommée, tu parles de que c'est facile ou pas facile. Ben, à quelque part, ça prouve la valeur du temple de la renommée. Ben, moi, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas avoir tout le monde au temple de la renommée. Tu sais, le hockey, là, chaque année, là, il y en a, il nous arrive avec des noms. Tu sais, Paul Coffey, je l'ai bien aimé, moi, là. Mais pour moi, c'est pas un gars du temple de la renommée. Tu sais, un gars comme Sidney Crosby va être au temple de la renommée facile, parce qu'il est arrivé, tu sais, il y a un air de Sidney Crosby de quelques années. Tu sais, Malkin, c'est un bon joueur de hockey, mais il est arrivé en même temps que Crosby. Je peux pas mettre les deux là. Non. Moi, je pense que tu as à choisir entre les deux, mais je te dirais que les deux vont être là. Je voyais des noms aujourd'hui, Vladek Nedomanski. J'ai joué contre Vladek Nedomanski. Il est arrivé dans la Ligue mondiale avec Toronto. C'est un Christy joueur d'hockey, Vladek Nedomanski. Là, t'avais une shot du poignet épouvantable. Ouais. Mais au temps de la renommée, allô? Mais non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là. C'est ça, tu sais, ça laisse quand même, écoute, ça diminue un peu le temps de la renommée. Je te coupe la parole là-dessus, puis je te donne raison quand tu dis le baseball, mais c'est même pas proche, là. Ouais. Même pas proche au baseball, là. Larry Walker, il l'est-tu, là? Ben non, il reste un an. Il reste un an à au temps de la renommée, puis... Larry Walker, c'est pas un chaudron, là? Non. Tu sais, ils l'ont pas élu tout de suite. Moi, c'est sûr que c'est un gars des expos, dans le temps, on l'aimait bien. C'est Larry Parrish et compagnie. Mais parfois, c'est parce que pour moi, la façon que je voudrais expliquer ça, C'est que c'est pas tout le monde qui peut être là. C'est une exception quand t'es là, là. T'as été exceptionnel. Ouais. Tu sais, pas pendant un an puis deux ans, pendant 10, 12, 15 ans, t'as changé quelque chose, tu sais. Crosby est arrivé, là, puis tu sais, c'est comme tout le monde voulait le voir jouer. Là, je veux pas être méchant, mais ben, c'est pas tout le monde qui voulait voir jouer Guy Carbonneau, là. Ben non, c'est ça, exactement. Tu sais, puis Guy Carbonneau, c'est un excellent joueur, là. Belle carrière junior, puis tu le quittes, là. Ouais. Est-ce que tu vas payer pour aller voir Guy Carbonneau? Ben, c'est la bonne question. Hein. Tant qu'à ça, écoute, il y a Alexander Mogilny qui est pas autant. Est-ce que Mike Gardner y est? Je suis pas même pas sûr, Mike Gardner des Capitals de Washington. Mais tu sais, en même temps, Danny, là, ouais. Tu sais, exemple, tu me parles de Mogilny. Mais tu sais, Mogilny, il a rien créé quand il est arrivé dans le hockey comme Gordie Howe, on va dire, comme Maurice Richard, comme Crosby, comme McDavid. Là. McDavid, là, ça va être un... Tu sais, les années 2010, ben pas 2010, c'est quoi, il est arrivé en 17. Ben, de 2017 à jusqu'à temps qu'il arrête, là, tu sais, McDavid, là, tout le monde veut le voir jouer, McDavid. Ouais. Tu sais, c'est ça que... Je sais pas comment exprimer ça mieux que ça, là, mais... Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, tu me dis Gardner, mettons, là, mais tu sais, Gardner, là, tout le monde payait-tu pour aller le voir jouer? Non, non, c'est un bon joueur de hockey, ça, là. Oui, effectivement. Ça veut, moi, c'est deux choses, bon joueur de hockey, puis d'avoir changé des choses, là, tu sais, à la Crosby, à la Bobby Hull, à la Patrick Roy. Moi, d'après moi, au temps de la renommée, il ne devrait pas en avoir plus qu'un par année. Puis des fois, il n'y en a même pas au baseball. Ça a déjà arrivé des années qu'il n'y en avait pas. C'est ce que j'allais dire. Il n'est pas obligé d'en avoir un s'il n'y en a pas, là. Oui. Oui, effectivement. Alors, moi, je trouve ça dommage. Puis c'est sûr que les gens, c'est encore l'émotion. Les gens, c'est encore l'émotion parce que je regarde ces médias sociaux, puis Carbeau mérite, puis félicitations, bravo, puis ainsi de suite. On ne peut pas dire que moi, j'enlève pas le fait que Carbonneau, c'est un bon joueur de hockey, là. Tu sais, il a fait quelque chose, là. Avec le Canadien. Mais à quelque part, là, tu fais quelque chose assez pour qu'on dise qu'il vaut autant de la renommée, là. Tu sais, c'est une autre histoire. Là. Ben, c'est ça. Être un bon joueur de hockey, c'est une chose. Être autant de la renommée, c'est une autre chose. Puis c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. Puis moi, j'en reviens toujours à la comparaison. Avec le baseball. Avec le baseball, avec Philippe Alou. Philippe Alou, est-ce que pour les Dominicains, est-ce que Jackie Robinson est pour les Afro-Américains? Ça, je suis d'accord avec toi. Et Philippe, il y en a, si tu lis sa biographie, il en a bavé un maudit coup. Parle à des Pedro Martinez, parle à des David Ortiz, parle à des... tous les joueurs républicains. Là, Vladimir Guerrero, il donne un respect incroyable à Philippe. Et Philippe n'est pas autant de renommée. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, quelque part, ça te démontre ça. Je veux te parler de bon, Cole Caulfield. Quand ils l'ont repêché, de toute façon, à chaque année, tu sais, quand tu me disais, les gens disaient, je suis anti-canadien, c'est qu'à chaque année qu'ils repêchent un gars canadien, là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, que c'est une invention. Tu sais, je m'excuse, moi, je vais te dire quelque chose. Puis je parlais de ça avec Pierre Lacroix, avec Dave Pichette, des gars qui ont joué la game, qui connaissaient de nom. Le gars que je vais te nommer. Il y a un gars qui a passé junior majeur au Québec, que moi j'ai eu l'occasion de coacher. Patrice Lefebvre. Je sais pas si tu te rappelles du nom. Ben oui, Patrice Lefebvre, un petit ailier. 160 livres, OK? Guy Rouleau aussi? Pardon? Guy Rouleau, est-ce que tu te rappelles de Guy Rouleau? Oui, mais Lefebvre, c'est en haut de tout ça, là. Ouais. Deux dernières années de Lefebvre, là, 121 buts, 258 passes, 379 points. OK? Moi, je l'ai coaché, puis honnêtement, au niveau du talent à hockey, là, je n'ai pas vu une tonne de joueurs de hockey de même. Comparé à des gars de 6 pieds 2 aussi, là. Ouais. C'était tout un joueur de hockey. Il a joué 3 games avec les Capitals de Washington. That's it, that's all. Tu sais, là, est-ce que des gars de 5 pieds 7, tu n'as vu dans la finale Saint-Louis contre Boston? Ce que je veux dire, par contre, écoute, j'avais Snake Boisvert hier, qui est un excellent comme. Il est excellent, Snake, comme pour recruter le talent. Puis Snake disait. Moi, j'ai aucun doute qu'il va jouer dans l'international, puis il va très bien jouer dans l'international. Par contre, en séries éliminatoires, ça va être une autre chose. Puis l'autre affaire, ouais. Tu sais, qu'on dise ce qu'on voudra, là. On n'arrête pas de dire, pour un vieillard comme moi qui a joué ce game-là, on n'arrête pas de se faire dire dans les oreilles, ouais, ça a changé. Tous des gros gars, puis ça patine, ben oui, donc. Il y en a des petits Brandon Point, puis on peut en nommer, là. Mais, ils sont où dans les playoffs? Mm. Tu les vois pas. Tu sais, puis à quelque part, En même temps, on sont-ils en train de nous dire à Montréal, tu sais, je lisais les commentaires de Théodore matin. Oui, il l'a même pas vu jouer, là. Mm. Tu peux pas dire une affaire de même si tu l'as vu jouer. Il va faire lever la foule au centre-ville. Il va falloir qu'il commence par faire l'équipe, là. Tu sais, à quelque part. Tu sais, Patrice Lefebvre, je reviens à lui, là, c'était tout un joueur de hockey. Puis les gens qui ont suivi beaucoup le hockey junior, Patrice Lefebvre. Ah, c'est lui puis Stéphane Lebeau. Lui puis Stéphane Lebeau ont fait les beaux temps à Shawinigan. T'as raison. J'ai coaché les deux, moi, en même temps. Ouais. Tu sais, Lebeau avait 90 goals, là. Ouais. Mais tu sais, à quelque part, Lebeau est un peu plus gros, mais Lebeau, c'est pas un monstre non plus. Mais tout ça pour dire que, moi, ce qui m'insulte de ce qui est arrivé en fin de semaine, là, c'est pas le premier choix du Canadien. Mmh. On doit prendre qui ils veulent. Eux autres, ils ont jugé que c'était le meilleur. Je sais pas s'il y avait eu le premier choix overall, s'ils l'auraient pris, là. J'espère que non, là, parce que Jack Hughes, là, d'après moi, le kid, là, c'est parce qu'il jouait avec un bon joueur de centre, hein. Ouais. Mais tout ça pour dire que, et là, l'un va avec l'autre aussi, par contre. Ouais, faut faire attention, là. Tu sais, moi, j'ai déjà eu 208 points dans la Ligue Eastern, là. Ouais. À quelque part, là, ça dépend avec qui tu joues aussi, là. Oui, il dit, ou je la mettais dedans quand il m'a donné. Mais s'il t'en a donné sur tes 72 goals, s'il t'en a donné 20 quand t'avais le dos ouvert, là, parce qu'il y avait des 8-3 gars, là, tu sais, n'importe qui l'aurait mis dedans, là. Tu sais, faut faire attention, là. Mais tout ça pour dire que, qui m'insulte de ça, mais là, pour moi, ils vont avoir des prolongations de contrat, là, Timmons et Bergevin, là, tu sais, ils ont repêché ce gars-là, tout le monde dit, tu sais, quand je les entends dire, moi, on a parlé à des dépisteurs, puis ils ont dit, voilà, si un dépisteur d'une autre équipe va dire un journaliste de Montréal, non, non, le gars qu'ils ont repêché, c'est un pourri, il dira pas ça, voyons donc, il va dire, oh, oui, il est bon, le Canadien nous dit qu'il était le premier sur la liste, moi, tout le temps que j'ai fait du hockey, puis j'ai assisté à des repêchages, on repêchait toujours le gars qu'on avait sur notre liste, tu sais. Moi, je les voyais à l'élite, c'était pas toujours le cas, là. Mais tout ça pour dire que quand ils ont demandé à Timmons, le fameux gars que Pittsburgh a repêché, dont j'oublie le nom, là. Poulin, Samuel Poulin. Ouais. Non, mais là, il a 64e choix ou 64e. Légaré. Ouais. Ils ont repêché ce gars-là. Ils ont donné 3 choix au repêchage à Arizona, vrai? Ouais. Pour avoir ce choix-là. Les journalistes ont posé la question à Timmons. Ça m'a insulté. Ils ont posé la question à Timmons. Timmons, ils ont lavé sur notre liste. Ah ouais. Il y a un journaliste qui a dit, pourquoi il l'avait pas repêché? Juste avant Pittsburgh, vous auriez pu le prendre. Hey, là, il a répondu comme il a ri des journalistes. Il dit, je vous l'ai dit, on cherchait des défenseurs gauchers. Moi, là, là-dessus, là, j'aurais dit, toi, là, ton ticket, t'es out, là. Viens pas rire de nous autres, là. Ils veulent pas, les gars, de la junior majeure du Québec. Là, ils m'ont invité 3-4 au camp d'entraînement des recrues. Voyons, donc, c'est rire du monde, là. T'sais, ils vont lui donner des prolongations de contrat. Ça fait deux mandats de 5 ans qu'on a, là, trois fois sur 4, on va faire les. Et l'an prochain, je peux t'annoncer que on fera probablement pas ici encore. Ben, c'est-à-dire que c'est dur à dire. J'en reviens à ce que tu as dit, Joe, puis c'est toi qui as dit ça en début de saison, à la fin de la saison. Il y a des joueurs qui ont connu une très probablement leur année de leur carrière et qui n'ont pas fait les séries. L'année, ils ont 14 gars de l'alignement de l'an dernier qui ont eu la meilleure année de leur carrière. Ouais. Puis ont manqué les séries par 2 points, OK? Ouais. Mais ça veut pas dire que l'an prochain, ils n'auront pas une meilleure saison. Ça, j'essaie pas de dire ça. Mais en même temps, supposons qu'il y en a 5 de ces gars-là qui n'ont pas la meilleure saison de leur carrière cette année. Il va falloir que d'autres produisent. Mais on va attendre parce que là, il y a des agents libres. Tu sais, on s'attendait d'avoir Carlson à Montréal, il est signé. Marner, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, il va signer avec Toronto. Myers j'entendais ce midi que Myers aurait une offre des Canucks de Vancouver. 7 ans, 7 millions par année. Là, Canadien, il restera plus grand gars à aller chercher noms, je parle. Le 1er juillet, là, moi pis toi, là, c'est pas là que tu bâtis une équipe. Souvent, ces joueurs-là sont overpayés. Normalement, puis Bergevin s'est fait brûler un peu les doigts l'année dernière avec Asner. Mais je suis d'accord avec lui là-dessus que, tu sais, faut que t'es construit, ces gars-là. Tu sais, comme là, Kotkaniemi, Pauling, Suzuki, ben là, moi, Suzuki, je pense pas qu'il fasse l'équipe, mais je jouera pas dans la ligue. Il y en a un qui est d'accord avec toi en passant, hein. Snake Bovin, justement, qui connaît les prospects, il est pas encore convaincu, Joe. Tu t'es fait tirer des tomates, mais il est pas encore, lui-même, il est pas encore convaincu. À propos de Suzuki. Ouais. Il peut pas jouer dans ce ligue-là, jouer comme il a joué à Coupe Memorial. Ouais. Hey, j'ai été en entrevue avec l'arbitre de la Ligue nationale, le Québécois, là. Il était à un tournoi de golf à Chicoutimi, il a entendu mon commentaire, puis après ça, on a parlé ensemble. Et en passant, je suis très d'accord avec toi. Il dit à la Coupe Memorial, s'il joue le même, je ne jouerai jamais dans les nationales. Ouais. Il ne touche pas personne, puis il va sur le bout de la palette tout le temps. Ouais. Mais ceci dit, c'est un excellent joueur de hockey. Il a des bonnes mains. Mais tu sais, là, d'un jeune qui s'en viennent, c'est la meilleure façon de construire. Ben oui, à quelque part, tu ne peux pas faire d'autre chose que ça. Tu sais, là, moi, je vais te poser une question. Moi, tout le monde parlait à Montréal, il voulait avoir Duchesne, OK? Moi, je suis pas un grand admirateur de Duchesne, mais en tout cas, c'est un bon joueur de hockey, il a joué à la Coupe Canada, puis claquette. Mais Duchesne vaut-tu plus que, vaut-tu 5 millions de plus que Domi? Ben moi, dans le cas de ma Duchesne, ben, premièrement, oublie ça, il viendra jamais à Montréal, là. Oublie ça, je ne pas, là. Oublie ça, premièrement. Mais mettons qu'il veut venir à Montréal, là. Oui, oui. Est-ce que ça freine le développement de Kotkaniemi? Ben, si c'est simple pour 8 ans, oui. Ben, c'est mais mettons que tu es capable de l'avoir pour 4 ans. Tu sais, Kotkaniemi, là, pour l'avoir vécu comme jeune, quand tu commences, que ce soit junior ou professionnel, ça te prend des gars qu'il faut que tu regardes, tu dis, c'est comme ça qu'il faut que je joue. Tu sais, il faut peut-être des exemples, pas juste des équipes adverses, des gars que tu côtoies dans le vestiaire à tous les jours qui vont te parler, qui vont dire, fais telle affaire, c'est mise en jeu. Mais si tu l'as pendant 8 ans, il va prendre ta job pendant 8 ans. C'est comme si le Canadien repêche un gardien de but en première ronde. Tu sais, tu te dis, voyons, ta presse est signée pour 8 ans, là. À quelque part, tu peux pas te prendre un gardien qui va passer son temps sur le banc. Fait que, tu sais, à quelque part, moi, ça devrait dépendre comment est-ce qu'ils vont œuvrer. Moi, j'irais comme ils sont. Tu sais, Pauling, là, d'après moi, là, je serais pas surpris qu'il soit en avant de Kotkaniemi à un moment donné, moi. Parce que le gabarit pour jouer dans cette ligue-là, devant le net, il est dur à tasser. C'est un gars de 6 pieds et 3, il pèse 225 livres. Je parle pas de sa dernière game, on oublie ça. Mais de la façon qu'il joue. Kotkaniemi, l'an prochain, là, lui, ça, moi, je l'ai vécu comme joueur quand j'ai joué à Oakland. Ma première année, j'ai fait l'équipe, ça a été une surprise, ça a surpris tout le monde. Là, durant l'été, je me suis dit, ben regarde, l'année prochaine, j'ai un job. Il y avait eu une expansion, puis ils m'ont protégé en plus. Mais j'ai été faire l'erreur de dire que je m'en allais dans les mondiales. Ils m'ont échangé à Montréal après le camp d'entraînement. Mais en même temps, là, il y avait des jeunes qui montaient, là. Puis là, j'ai dit, oups, ça, quand j'ai eu un entraînement difficile. Le Kotkaniemi, qu'on le veuille ou non, là, lui, dans sa tête, l'année prochaine, il va être meilleur. Tu sais, il n'a pas eu une mauvaise saison, malgré tout. Alors là, il arrive au camp, le Pauling qui est là, il va avoir peut-être un inconnu qui va arriver, qui va faire la job. Après ça, tu as peut-être un agent libre qui vont signer. Première chose qu'il va savoir, lui, il s'attend peut-être de jouer sur le deuxième trio, là. Il va peut-être être rendu sur le quatrième trio. Ouais. Dire que c'est ça. Tu comprends-tu? C'est tout ça ensemble qui fait que... Puis ça, par le passé, on a vu souvent des vétérans qui sont arrivés, des vétérans en fin de carrière qui avaient du bois mort, qui auraient pris la place à des jeunes. Bergevin, il l'a fait souvent, ça. Et voilà. Fait que, mais c'est pas juste Bergevin, Danny. Ouais. C'est partout dans la ligue. À un moment donné, t'es là pour gagner. Hein. Le coach, lui, il va aller voir Bergevin ou l'autre gérant ou whatever, puis il va dire, regarde, je peux pas le faire jouer, il m'a perdu ma job avec ça, là. Ouais. Tu sais, je dis ça, le Kotkaniemi, c'est pas un mauvais joueur de hockey. Ça, c'est sûr. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il s'en vient, que ça va faire un excellent joueur de hockey. Allez, en terminant, Piquet, parle-moi de l'échange de Piquet Souban. Piquet, moi, je pense que c'est le joueur qui va être dans il va faire 2-3 ans avec la même équipe, puis par la suite, ils vont l'échanger. C'est un gars trop dur, puis à New York, je le vois pas longtemps à New York, moi. Écoute, j'allais te donner comme réponse quand tu m'as dit Piquet Souban. Je parlais à quelqu'un en fin de semaine. C'est pas sa dernière équipe, le New Jersey. Là. Au moins deux fois, parce que lui, mais quand tu vas mettre les pieds dans le vestiaire, là, tu sais, je suis pas sûr qu'il y en a qui vont être heureux de ça, moi. Mais en même temps, il peut apporter quelque chose à New Jersey. Tu sais, ils ont eu le premier choix overall, tu arrives avec Piquet en arrière, qu'on le veuille ou non, c'est un gars d'au moins 50 points. Là, dans une mauvaise saison, il va avoir 50 points. À quelque part, il va rendre des services à New Jersey. New Jersey, ça allait qu'ils vont s'en venir signer une coupe d'agents libres en plus. Fait que, c'est à quelque part, le Canadien va avoir de l'ouvrage. Le Floride sera pas moins bon l'an prochain. Tampa Bay sera pas moins bon. Washington non plus. Philadelphie. Tu sais, exemple, Caroline est super bon. Les Pingouins, à un moment donné, là. Washington va être là encore. Ça va être difficile, là, tu sais, pas juste pour Canadiens, ça va être difficile pour tout le monde. Boston va être là encore. Ouais. Tu sais, mais Boston, ils ont construit des jeunes. C'est ce que le Canadien tente de faire. Sauf que là, Bergevin, moi, je pense qu'il va manquer de temps. Tu sais, c'est parce que ça va faire 2 coups de 5 ans, là. Tu sais, ça fait 7 ans qu'il est à Montréal. Ouais. 2012. À un moment donné, là, tu peux pas manquer série, là, 3 en 4, tu peux pas faire 4 en 5, là. Mais je pense cette année, il faut qu'il se passe. Mais je pense que c'est malheureusement, ça va à date en tout cas, puis je m'attends pas à grand-chose, parce que 90% de l'équipe du Canadien va et de la Ligue nationale va se former entre le 15 juin et le 6 juillet. T'es d'accord avec moi, Joe? Ça, c'est sûr. Très d'accord avec toi. Après le 6 juillet, là, il reste plus grand-chose. Non, puis l'autre affaire, c'est que tu peux pas gagner la Coupe cette année au mois de juillet. C'est à partir du mois d'octobre que ça se gagne. Effectivement. Joe, gros merci, on s'en reparle. Hey, t'es bien gentil, puis on s'en reparle après le 6 juillet, peut-être. Ouais, un gros merci, Joe. C'est moi qui te remercie beaucoup, Danny. Merci.